autre chose ou pas assez. Toutes ces portes à pousser larges comme des chats d'aiguille. Les barrages à passer, faudrait être une anguille. Un peu maigre, un peu lisse, pour entrer comme Alice au pays merveilleux. Au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiche sous vitrine. Espèce de drôle de tige qui se colle des vertiges à force d'être au régime. On est toujours trop quelque chose, trop pas assez, trop pas assez. Appellation contrôlée, dès la cour de récréation, ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère, stockée sous la peau, sous la peau. On a même inventé des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correcte politiquement, t'es pas grosse, non t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais. Je la connais. Je suis trop forte. Moi je suis trop forte. Je connais la chanson. Bien sûr ils ont raison. Alors je le dis aussi, je suis trop forte. Je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. Je suis trop forte, j'en suis pas morte. Je connais la chanson, bien sûr ils ont raison. Alors je le dis aussi, je suis trop forte. Je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. Ici, d'être arrivé jusqu'ici. Mona FM. Mona FM. Mona FM. Tu es tombé du ciel. Tu voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré. Autant de joie pour personne. Le canon qui résonne ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive. Les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tout fait. Quand mes amours prennent l'eau, l'îlot, l'oiseau. Des marées, j'aime de l'amour à perpétuité. Pour pile sur mer, arc inféré, la pointe chevaux de mer l'été. Arcachon piqué, effrayant les glaces sur la jetée. Pourrait bien me manquer. Je suis tombée pour elle. Oh, je l'ai.

Thank you.

feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, feeling, oh, feeling again in my life.

moi t'aimer. Écoutez Mona FM, la chanson populaire.